ses fautes, quelles que soient ses fautes, comment le président d'un État, c'est-à-dire le ton d'État, il a le plus de